Bonjour Avignon. Merci à tous. Nous sommes au Frames Festival. C'est la première fois qu'on enregistre un Floodcast en public. Vous êtes le premier public qui assiste à ce spectacle. Et par spectacle, c'est un grand, bien grand mot, on est d'accord, parce que ça va vraiment juste être une émission de radio. Voilà, on est très très fiers, on est très très fiers d'être au Frames Festival. C'est le premier épisode de la saison 2 de Floodcast. Et voilà, on va essayer d'être un petit peu plus au taquet qu'on a été à la saison 1, qui comporte quand même 11 épisodes, je crois, ou 12, ce qui est peu pour une série. Quoique, Game of Thrones, c'est 10. En fait, ça va, on est Game of Thrones. On est le Game of Thrones de la radio. Alors, il y a des invités, donc faites un maximum de bruit pour François Descraques. Charlie Danger, des Revues du Monde. Patrick Beau d'Axolot. Slimane Baptiste Beroun. Et enfin, et pas des moindres, l'homme que l'on nomme le sniper. Faites un maximum de bruit pour Adrien Méniel. Bonjour. Et aussi, je voulais l'introduire un tout petit peu plus tard, parce que je voulais qu'on fasse un maximum de bruit pour quelqu'un qui a un peu relancé la mode des podcasts en France. Je parle de Thomas Hercouet de l'Original. Faites un maximum de bruit pour lui. Ouais Thomas, merci beaucoup d'être venu, parce que c'est vraiment grâce à ce mec-là que des podcasts reviennent, des podcasts audio, qu'on peut écouter eh ben, en marchant dans la rue, en faisant à manger, en faisant du sport. Ça me concerne un peu moins sur le dernier. Mais voilà, donc Thomas, je voulais te remercier. T'as un micro ? Faut qu'on te file un micro. Merci beaucoup de militer pour que le podcast audio revienne en France. Voilà, donc je voulais te remercier. Merci à vous d'être là, et ça prouve que ça commence à... Si, faut que tu parles fort. Ah, coco. Donc ouais, merci beaucoup Thomas, je voulais merci vraiment te remercier. Bon, est-ce qu'il y a, donc, ouais, qui a déjà écouté Floodcast ici ? Ok, merci François. alors, ça va être une formule un petit peu particulière de Floodcast, parce qu'on n'a pas, faut savoir qu'on enregistre actuellement au Palais des Papes. Et d'habitude, Floodcast, on parle un petit peu de ce qu'on a aimé culturellement parlant, donc de cinéma, de musique et compagnie. Là, on n'a pas méga le temps, donc on va un peu aller directement droit au but. Je voulais parler d'un sujet que je trouvais intéressant, qui peut-être peut vous intéresser aussi. Quelque chose qui s'appelle notre zone de confort. Parce que, qu'est-ce que vous voyez, ce que ça fait, la zone de confort. C'est-à-dire que c'est quelque chose d'assez imagé. Adrien, tu peux peut-être nous en parler un petit peu de ce qu'est la zone de confort. Ouais, j'étais hyper surprise. C'est, par exemple, quand il ne fait pas cette chaleur-là, on est dans sa zone de confort. Non, c'est quelque chose de plus psychologique, je pense. C'est quand on reste dans sa zone... Tu me dis si je me trompe, hein, si ce n'est pas l'idée que tu avais, parce que je n'avais pas du tout prévu d'expliquer ce que c'était la zone de confort. Donc je vais un peu jouer avec ma bouteille. T'inquiète pas, après je fais une petite définition. Non, c'est plus quand on est... quand on reste dans sa zone de confort, c'est qu'on se cantonne à des activités avec lesquelles on est à l'aise et on ne prend pas de risques. Mais si on ne prend pas de risques, on n'avance pas ou peu dans la vie. Est-ce que c'est ça que dont tu veux parler ? Oui, c'était ça que je voulais parler. Tu l'as même dit mieux que moi. Donc c'est bah oui, vu que tu ne l'as pas dit du tout. C'est mieux que je voulais le dire. Et c'est assez intéressant de pouvoir de parler de ça avec les invités qui sont autour de la table aujourd'hui. J'aimerais pour commencer avec Patrick Beau. Patrick Beau, tu as commencé ta carrière de YouTuber. On peut dire que tu es un YouTuber, Patrick ? On peut dire ça, oui. Non, mais oui. Tu as commencé à faire des vidéos sur Internet. Tu avais quel âge quand tu as commencé ? Bah écoute, c'était en 2013, donc j'avais dans les 19 ans, quoi. Non, j'avais du coup 34. Ouais. Et alors, qu'est-ce que tu faisais, parce que si tu veux en parler, bien évidemment, avant de faire des vidéos sur YouTube à 34 ans, puisqu'on a l'impression que les carrières de gens sur Internet commencent à 9 ans, ouais. Et en fait, c'est un peu plus tard pour certains. Oui, bah écoute, je le prends comme une insulte déjà. Non, je voulais parler de ta sagesse. Mais sinon, avant de faire des vidéos, j'avais fait de la radio dans les années 2000. Puis après, j'ai ouvert un blog qui est devenu un bouquin. Et j'ai finalement décliné le concept d'Axolot en vidéo. Et puis, donc, j'ai réalisé qu'il y avait une attente de la part des gens sur ce type de contenu-là, quoi. Et donc, ça fait plaisir de voir qu'aujourd'hui, il y a de plus en plus de chaînes qui sont axées sur la connaissance, la vulgarisation, quoi, comme celle de Charlie, par exemple, et de tas de gens autour de la table et dans ce festival. Et puis, voilà, je t'avoue que j'ai oublié la question. Non, parce que ce que je voulais dire, c'est que passer quand même à la vidéo, c'était un peu potentiellement sortir de ta zone de confort ou pas. Il y a un thème, je te rappelle. Parce que, s'il te plaît, suis maintenant. Oui, c'est vrai. C'est vrai. Ah oui, c'est vrai. Parce que, le regard, le regard des autres. Moi, personnellement, j'avais jamais fait de vidéo, j'avais jamais donc touché à ce support-là. Et c'est clair que la. Une petite parodie d'X-Files quand même, quand t'étais jeune. C'est vrai. Moi, je croyais que t'allais parler de certaines vidéos amateurs, ça aurait été totalement déplacé, mais c'est vrai que oui, il y a eu une parodie d'X-Files. Alors, je le dis, c'est vraiment un truc collector. Il y a effectivement une parodie d'X-Files que j'ai réalisée quand j'avais quoi, 18 ans. Oui. Pour le coup, c'est vrai. Tu faisais Mulder ou Scully ? Elle est sur Dailymotion. C'est vraiment ridicule, mais je peux pas en dire plus. Est-ce qu'elle est trouvable ? Ami du web, chercheur de l'Internet. Okay. Mission pour tout le monde ce soir. Avec un peu de malice, avec un peu de méthode, on peut la trouver, à mon avis. Et donc, oui. À part ça, je ne m'étais jamais mesuré à la vidéo. Oui, ça nécessitait de sortir de ce que je savais faire, qui était en l'occurrence l'écriture. Donc là, il fallait faire vivre un texte. Et oui, forcément, c'est un exercice. Mais moi, j'ai en tête, donc là, c'est totalement lié au thème, j'ai en tête ce petit dessin où on voit un point sur lequel il y a écrit « là où je me trouve ». Et puis, juste à côté, il y a écrit... C'est un truc anglais, donc ça dit « where the magic happens », et donc en gros, c'est en dehors de la zone de confort, quoi. Et c'est vrai que quand on se donne la peine d'essayer de sortir de nos balises et de nos repères, il peut se passer des trucs super, donc ça vaut le coup d'essayer, au risque de se planter, mais si on n'essaie pas, on ne peut pas savoir. Voilà. Adrien, je crois que tu as fait une carrière de hip-hop, toi, en dehors de ta zone de confort. Alors oui, moi je représente le vrai hip-hop, je suis là pour ça, hein, voilà, donc je suis là pour ça, non donc faut que je parle de ce que je faisais avant. Adrien, je te resitue vite fait. Adrien, pareil, avant de faire de la vidéo, avant d'être comédien, auteur, réalisateur et plein d'autres casquettes, faisait surtout du dessin, je me trompe ? Oui, en fait, je faisais exclusivement ça. J'étais dessinateur de bande dessinée et illustrateur. Donc, c'est un métier qui est vraiment à peu près l'inverse exact de comédien. C'est-à-dire qu'on est vraiment seul chez soi, tout le temps, vraiment, on ne voit personne. Et du coup, j'ai été contacté par Golden Moustache. Moi, j'avais 33 ans, donc tard aussi pour commencer ce genre de carrière. Est-ce qu'on peut dire que tu es un peu le Christ du web, vu qu'on est au Palais des exact. Papes ? Ouais. Je me permets, hein, Jésus, oui. Pas trop de pression, hein, je te dis juste que t'es le Christ du web. Ouais, voilà. Mais plus hip-hop, comme plus hip-hop. Comme on l'a dit tout à l'heure, voilà. Je break sur l'eau. Golden Moustache m'a contacté pour en tant qu'auteur au départ. Et donc j'ai dit oui, bien sûr. Et puis j'ai écrit. Et puis la chance qu'on a à Golden Moustache quand on écrit, c'est qu'on nous donne l'occasion de jouer. Donc j'ai joué. Et puis aussi, on m'a donné l'occasion de réaliser. Et puis ça s'est plutôt bien passé et c'est devenu ça mon métier maintenant. Mais effectivement, passer de 7 ans à être juste enfermé dans un bureau à dessiner tout seul, à se confronter à une caméra et plein de gens et les commentaires extrêmement bienveillants des gens sur Internet, ça fait un peu un saut conséquent et je regrette évidemment pas de l'avoir fait parce que ma vie elle est vraiment en tout point beaucoup mieux qu'avant, quoi. C'est pas pour dire que le dessin c'est pas bien, si vous aimez le dessin c'est super. J'aime ça toujours, mais c'est un métier qui me correspond plus maintenant et je suis content d'avoir pris ce risque et d'être sorti de ma zone de... Non, c'est pas ça. C'était pas ça qu'il voulait dire. Oui, c'était confort, bien sûr. quel entertainer, c'est Adrien Méniel. Slim, oui. On t'entend bien. Slim, toi, cette année, tu as fait deux choses. J'ai l'impression, sûrement plus, où je ne savais pas où tu pouvais aller, que j'ai découvert chez toi. Tu as écrit un livre, par exemple. Tu peux peut-être nous en parler un petit peu. Parce que c'était quand même une activité nouvelle, j'ai l'impression. Oui, c'est la novélisation de la suite du Visiteur du Futur en livre. Et donc c'est Bragelonne, la maison d'édition, qui a contacté François. Et François a proposé que je l'écrive. Et de prime abord, c'est pas évident pour une maison d'édition de dire bah oui, tiens, on va prendre le comédien qui joue le robot et puis on va lui faire écrire le livre. Et donc j'ai écrit deux pages de test. Ils se sont dit ouais, ok. Et puis j'en ai écrit 500 de plus. Et voilà, et ça a marché. Mais justement, c'était le point où je voulais t'amener, c'est-à-dire que t'as pas commencé en écrivant genre 3 nouvelles ou des recueils de nouvelles, puis après tu as commencé sur un blog, tu as vraiment attaqué pas mal de pages quoi. Alors, en fait, j'ai toujours aimé écrire. D'accord. Et c'est un peu comme ça que je suis venu au scénario. J'aimais bien écrire, j'aimais bien manipuler un caméscope. Et je me suis rendu compte qu'en écrivant des scénars, du coup, l'un aboutissait à l'autre. Et au bout de quasiment 10 ans d'écriture de scénar, j'étais un peu frustré de plus avoir mes petits fichiers Word où j'écrivais des débuts d'histoire que je terminais jamais. Parce que quand j'avais 18, 20 ans, je me lançais déjà dans des romans qui allaient sûrement être formidables, mais qui dépassaient pas 5, 6 pages. Et là, comme il y avait des deadlines, j'étais obligé de les pondre, les pages. Et en fait, le seul roman que j'avais déjà écrit, et putain, j'ai l'impression de passer ma journée à raconter cette histoire, finalement. Désolé pour ceux qui étaient déjà là et qui l'ont entendu. C'était un roman que j'avais écrit pour l'anniversaire de mon meilleur copain, Mathieu. Et donc, c'était pour ses 20 ans. Et ce livre fait au final, au début ça partait comme une blague, et au final ça a fait 150 pages. Ah, et François l'a lu quand j'étais à peu près à la moitié, et la dernière phrase c'était « Putain, j'ai bien mangé la putain de sa race ». Et du coup il m'a dit « Appelle-le la putain de sa race ». Et j'ai dit « D'accord ». Donc en fait le livre s'appelle « La putain de sa race ». Et quand on était chez Bragelonne, François m'a présenté comme « Oui, Slim peut l'écrire ». Il a dit « Il a écrit la putain de sa race ». Donc, voilà. Je crois que c'est un bouquin de Voltaire aussi, « La putain de sa race ». Mais ça, c'est aussi assez intéressant de sortir sa zone de confort avec potentiellement, non pas une aide, mais en tout cas quelqu'un qui potentiellement peut te motiver ou te rassurer. Parce que tu viens de dire que c'est François qui t'a proposé, t'écrivais depuis longtemps, mais que François t'a proposé. En gros, on m'a proposé de sortir de ma zone de confort et je l'ai refourgué à Slim. Qui est une technique. Comment ça s'est passé, François ? À quel moment tu t'es dit que Slim était la bonne personne pour l'écrire ? Donc c'était ce roman, La putain de sa race, aux éditions Gallimard. Comment ça s'est passé ? Voilà, moi je connais Slim depuis pas mal de temps, et donc j'ai toujours su qu'il avait un vrai talent littéraire, chose que moi j'ai jamais eu vraiment en fait. C'est-à-dire qu'entre écrire des scénarios et écrire des romans, c'est deux activités très différentes, et moi, je suis un romancier frustré, donc je mets ça en image, mais à la base, j'ai toujours voulu faire des romans. Et quand Bragelonne est venu me dire « Hey, tu veux faire un roman Histoire Future ?» J'ai fait « Ouais, j'y arriverai pas ». Puis vraiment, un moment, ça fait « Je boum !» J'ai fait genre « Mais putain, mais Slim, il sait écrire, lui !» Et en plus, il connaît la série, il connaît les personnages et tout. Et donc, dès que c'est devenu évident pour moi, et en plus, ça me permettait d'avoir la partie facile de l'écriture, savoir juste pitcher les idées comme ça, structurer avec lui, mais pas vraiment mettre... les mains dedans et me confronter à la solitude de l'auteur avec son ordinateur et sa page blanche et tout. Donc vraiment, c'était très facile pour moi et vraiment, Slim, voilà, s'est mis en danger, quoi, parce que en plus, on savait même pas. On a commencé le roman, on savait même pas quand il allait le terminer, quoi, parce qu'on devait fournir épisode par épisode et en espérant qu'on allait retomber sur nos pattes et tout. Donc c'était un peu flippant pour lui. Moi, je faisais semblant de savoir ce que je faisais. Et mais voilà, quoi. Donc, mais au final, chaque fois que je lisais un truc et tout, je trouvais ça tellement bien que j'avais confiance, quoi. En fait, les deux ingrédients primordiaux, c'est une petite dose d'inconscience pour pas se rendre compte exactement dans quoi on s'embarque complètement, et puis des deadlines pour être obligé de faire les choses. Non, mais c'est vrai d'avoir quelqu'un qui te pousse à faire des... Enfin, voilà, si vous vous retrouvez dans la merde, si vous le faites pas, bah, vous allez avoir tendance à vouloir le faire. Charlie, toi, tu as ta chaîne YouTube Revue du Monde. Oui. Avant, qu'est-ce que tu faisais, en fait ? À quel moment tu t'es dit que tu allais parler de ce genre de choses, un contenu en plus un peu... Enfin, qu'on voit pas, partout sur YouTube. Enfin, tu vois, tu fais pas un truc forcément facile à faire. Tu te fais chier à faire ton truc. C'est là que je voulais dire. J'essayais de donner des mots polis, mais j'y arrive pas. Comment tu en arrivais là, en fait ? En fait, j'ai regardé les vidéos de Patrick et je me suis dit, tiens, si je le copiais. Ah. Non, pas. En fait, j'étais en études et je suis passionnée d'archéologie et d'histoire. Et je cherchais, en fait, je regardais pas mal de vidéos sur le net et je cherchais vraiment une chaîne ou une émission, alors en anglais ou en français, hein, peu importe, qui parle d'archéologie et d'histoire, mais de manière un peu, pas romancée, mais avec un côté très Indiana Jones, très aventure, contextualisée, en fait. Et je ne trouvais pas, et ça me frustrait. J'étais, ah, c'est con, ce serait un vraiment bon sujet. Et puis j'ai réfléchi, je me suis dit, bah, c'est peut-être un truc à faire, quoi. Il y a peut-être quelque chose à faire. Et donc je me suis dit, allez, vas-y, on se lance. Et puis j'ai fait mes premières vidéos comme ça. Voilà. D'accord, parce qu'à la base, tu n'avais pas, je ne sais pas, est-ce que tu écrivais sur ce sujet ? Est-ce que tu faisais du théâtre potentiellement ? Enfin, ou à quel moment tu t'es dit, tiens, je vais faire de la vidéo, je vais me montrer, parce que mine de rien, c'est quelque chose qui peut être complètement flippant, et je vais finalement sortir de ma zone de confort. C'est le sujet de ce podcast que je rappelle un peu tous les 5 minutes. J'écrivais, mais pour moi, en fait, parce que j'adore l'écriture, et c'est juste que j'avais, en fait, je pense honnêtement que j'y ai pas réfléchi. Si je dois être totalement franche, à aucun moment je me suis dit, est-ce que je sors de ma zone de confort, est-ce que j'ai eu envie de le faire et je l'ai fait. Et je pensais pas que ça marcherait en fait. Je me suis juste dit, on va faire ça, ça va être drôle. Et au final, ça a marché et c'est cool. D'accord. Donc toi, en fait, tu n'as pas eu de deadline, mais juste de l'inconscience. C'est ça, l'inconscience. C'est tout. Très bien. Thomas Hercouette, qui est tout au bout de la table, très radiophonique ce que je viens de dire. Thomas Hercouette, toi, à quel moment aussi tu t'es dit, parce que moi, pour raconter la petite histoire, Thomas, il est un peu arrivé dans ma vie sans que je le voie venir, au final. Et d'un coup, du jour au lendemain, il arrive à organiser des nuits entières où tu as la moitié d'Internet dans un tout petit salon où ça pue la bière. Même, j'aime les mademoiselles, mais franchement, ça pue la bière dans ce local. À quel moment tu... Si, François. François Dodeline de la tête. Non, si, ça pue la bière. À quel moment tu t'es dit... Enfin, comment tu as réussi à concrétiser tout ça? Moi, quelque part, j'étais... Enfin, ouais, comment tu en es arrivé là? En fait, je pense que quand tu parles de zone de confort et de sortir de sa zone de confort, je pense que tu sors jamais vraiment de ta zone de confort. Tu l'étends. Et en l'occurrence, moi... Créer ce truc-là, c'était une fuite par rapport au fait que j'étais à France Bleu à l'époque. J'étais à France Bleu. Je ne sais pas s'il y en a qui viennent de Grenoble dans le coin. Eh ben, personne, mon gars. Vous connaissez, ils sont quatre. C'est énorme. Justice. Est-ce que vous avez déjà écouté France Bleu Isère? Pas beaucoup, oui, non. Parce que vous n'êtes pas la tranche d'âge. Bon, j'ai bossé là-bas. L'année dernière, je bossais là-bas. Et du coup, en fait, au début, je ne maîtrisais pas. Au début, c'était un truc qui était tout nouveau pour moi. Donc, il fallait que j'apprenne plein de trucs, plein de règles, plein de choses. Et ça me bouffait mon temps. C'est-à-dire que j'étais là-bas de 8h du mat à 18h tous les jours et que j'étais claqué après, quoi. Du coup, à partir de là, les podcasts me manquaient et je voulais une solution pour faire plein de podcasts d'un coup, très facilement, un week-end quand je rentrerai à Paris. Et pour l'anecdote, j'ai passé je me suis dit, ce serait cool de faire genre, on se rassemble tous ensemble et on fait des nuits, etc. Enfin, on passe une nuit ensemble, sauf qu'au lieu de baiser, on enregistre un truc, quoi. Donc Navo, tout de suite, était très déçu par cette idée. Et donc, j'appelle, la première personne que j'appelle pour en parler, c'est Patrick, parce que j'appelais les gens, en fait, par ordre de passage dans les podcasts de l'original avant. Donc Patrick, pour commencer. Et Patrick fait, alors, excellente idée, comment tu vas l'appeler ? J'ai fait, je sais pas, on s'en fout, ça, c'est plein de original, j'en sais rien, on s'en bat les couilles. Et c'est resté. Je lui ai trouvé un nom un peu viking, un peu cool, mais nu original, c'était mieux. Donc voilà, en fait, c'était une fuite en avant, rapport au fait que vous me manquiez. Oh, bah c'est la tendresse Thomas Hercouette, voilà, tout simplement. Très voilà. Bien. Moi, je voulais vous parler vite fait d'un truc, parce que là, on parle que de... Mine de rien, tous ces gens qui parlent de leur expérience font des trucs chambés, et des trucs qui sont suivis. Moi, quand je suis sorti de ma zone de confiance, ça a été un échec total, donc je pense que c'est intéressant d'en parler aussi. J'ai été rappeur dans un groupe de métal. C'est mon domaine, là, donc je t'écoute. C'est une partie de ton domaine, ouais. Et voilà, le groupe s'appelait Sailor Squad, ce qui ne veut rien dire. On s'est dit que c'était anglais, mais ça ne veut rien dire. On a voulu faire des concerts de métal. On reprenait Limp Bizkit, Linkin Park, et plein de trucs avec des L au début, enfin, où c'était du métal et du rap. Et moi, j'étais rappeur hurleur. Voilà. C'est-à-dire que j'étais mauvais. Et on a fait 2-3 concerts. Et le soir de mes 18 ans, je me dis, je me fais un pur kiff. J'avais quand même 18 ans. Hein. J'ai pas fait ça à 14 ans. J'avais vraiment 18 ans. Il faut savoir que quand j'avais 18 ans, Linkin Park, Limp Bizkit, c'était déjà extrêmement ringard. Et on reprend donc des chansons, machin. Et donc, c'est le soir de mes 18 ans. Et en fait, il se trouve que lors d'un bœuf endiablé, je m'explose une dent contre un micro et je perds ma dent. Mon incisive, la gauche, est fausse. Donc il s'est passé que le soir même, alors il y avait 4 personnes dans le public, les gens se battent. C'était mon anniversaire quand même, donc tu peux dire les gens vont être gentils. Faux, personne n'a écouté le concert. Tout le monde est arrivé après, donc on avait 4 personnes dans la salle, dont ma mère. Ce qui est pire. J'ai explosé ma dent, donc j'ai dû aller vite fait, là, j'ai dû la soigner parce que ça saignait, elle était pétée en biais. Un peu comme Wax en fait. Wax il a ça aussi, il a un peu la dent pétée en biais. Sauf que Wax est extrêmement beau gosse, ça lui va bien. Moi, ouais. Et je me suis dit que c'était peut-être pas méga une carrière à faire. Alors que c'était très métal en fait. Je suis extrêmement métal comme gars, je me suis explosé. Ouais, voilà, c'est ça. Normalement, c'est le début. Comme ça, c'est l'origine d'un héros normalement. Vraiment pas ça. Mais pourquoi c'était quand même chambé de l'avoir fait? Parce que c'est une anecdote marrante à raconter. et C'est un peu voilà, le point des flou... Oui. Il y a aussi que, du coup, tu as touché le fond et tu ne peux plus faire pire. Il y a aussi ça. Il y a de ça. Y a de ça. Ça, c'est important aussi. Exactement. En fait, en gros, sortir de la zone de confort, et c'est tout l'intérêt un peu de ce podcast, ça rejoint un peu l'intérêt de ce podcast, c'est que quand tu sors de ta zone de confort, au pire du pire, tu tapes une grosse honte, ce qui peut te faire du mal, sauf si tu veux faire du stock car. Et là, tu meurs. Et dans ce cas-là, effectivement, c'est un décès. Donc, il ne fallait pas sortir de ta zone de confort. Restez dans sortez dans votre zone de confort, mais dans un truc assez sécurisé, quand même. Et au pire, vous vous taperez une énorme honte. Et les énormes hontes, ce qui est cool, c'est qu'avec le temps, normalement, t'en rigoles. Et c'est un peu le point de ce podcast depuis plusieurs numéros où on a un peu raconté plein de trucs. Et voilà. Donc, est-ce que du coup, ce que tu veux, c'est qu'on arrive très très vite au moment où on te raconte les moments où on a demandé à sortir avec des gens et on s'est Oui. Non, si t'as ça, vas-y, je t'en supplie. Ah, Tom Erko, t'as ouvert ta gueule, tu vas nous dire maintenant. Vas-y. Je réfléchis à laquelle, parce qu'il faut trier. Si, il y en a une, on parle là-dessus ? Je t'en supplie. En fait, on a parlé du truc professionnel et je voulais tout doucement glisser vers. Alors, tiens, cette fille, elle est pas faite pour moi, je vais essayer quand même. Les mots ont une importance. Okay. En fait, j'étais en première. Alors, en première, pour vous resituer, et ceux qui suivent un peu ce que je fais, vous allez voir une très nette progression dans mon parcours personnel. En première, la seule chose qui m'intéressait, c'était les jeux vidéo et RPG Maker. Ouais, alors que maintenant, pas du tout. Pas du tout. Donc, il y avait une fille qui me plaisait bien. Alors, je suis désolé, quand je parle d'anecdote gênante, je prends un espèce d'ersatz d'accent du sud. T'es pas contre les gens qui... Raciste. Raciste. Et en fait, c'est aussi un vrai récit sur la confiance en soi. Parce qu'il y avait donc cette fille qui me plaisait. Et donc, j'habite en Bretagne, dans une région qui n'est pas hyper civilisée. Et du coup... Raciste encore. Oui, mais j'ai le droit, je viens de là. Et du coup, en fait, je demande à tous mes potes, cette fille me plaît bien. Et on fait le chemin ensemble, elle habite pas très loin de chez moi, on marche tous les deux ensemble 10 minutes, à 3 minutes d'intervalle, c'est ridicule, pour faire le trajet de chez nous au lycée. Et du coup, je lui dis, est-ce que ça pourrait être intéressant que je lui dise, hey, salut, on pourrait faire connaissance, et peut-être, en fait, marcher ensemble pour apprendre à se connaître. Et mes potes étaient en or à l'époque, mes potes m'ont dit, non, c'est trop chiant, demande-lui directement si elle veut sortir avec toi, genre maintenant. Et j'y suis allé. On peut saluer un culot. Donc, reste le choix des mots. Parce que quand tu te pointes, en fait, tu dis « Ok, c'est maintenant, j'y vais. » Et là, tu as ton cerveau qui génère une sorte de molécule qui te défonce complètement. Et c'est en Bretagne, donc c'était problème. J'avais juste respiré, en fait, sûrement. Et je vais vers cette fille et je lui fais... Et là, en fait, mon cerveau fait... Vous avez vécu ça. Et mon cerveau fait... Prends un mot, n'importe lequel, ne choisis pas, hein. Il sera beau. Et c'est un mot raciste. Et je lui encore. Dis, écoute, salut, tu as beaucoup de charisme, je trouve. Est-ce que tu as signé cordialement à la fin de ce... Après, avec la pièce jointe. Ouais, c'est ça. Et elle a dit non, bizarrement. Et en fait, le truc, c'est que ça m'a hanté. Et plutôt que de faire un truc, je suis trop con, j'aurais dû lui demander, apprenons à nous connaître et tout, je commence à me demander si c'était pas juste un prétexte de la part de mes potes pour qu'ils se payent ma binette pendant un an de suite. Sûrement. Ça devait sûrement être ça. Voilà. Oui, parce que t'as aussi ceux qui te forcent un peu à rester dans ta zone de confort. Alors, quand je dis ça, c'est pas genre leur mission, c'est pas leur but dans la vie de vous empêcher, parce que je pense qu'ils s'en foutent de votre life. Mais c'est juste qu'effectivement, des gens, par leurs actions, par leurs propos, peuvent vous empêcher d'essayer d'autres choses ou vous empêcher d'aller plus loin dans ce que vous essayez de faire. En plus, bon, là, on est quand même tous, on fait des vidéos sur YouTube. Et il y a, comme tu disais tout à l'heure, Adrien, les commentaires qui peuvent aussi un peu te forcer à pas trop essayer d'autres choses. Je sais pas, Charlie, t'as déjà toi, comment tu réagis quand des commentaires ou même, enfin, je dis YouTube, mais en vrai c'est aussi les gens autour de toi peuvent te faire perdre un peu confiance en toi pour essayer d'autres trucs. En fait, je dirais sur YouTube le majeur problème quand tu commences à avoir une communauté importante, c'est que personne n'est d'accord et tout le monde veut que tu restes dans une certaine zone de confort. Mais personne n'a la même définition. Donc c'est hyper compliqué au bout d'un moment de satisfaire tout le monde en fait. parce qu'il y a des conseils, il y a des conseils hyper constructifs qui sont chouettes à prendre en compte pour justement évoluer, parce que justement ça peut permettre de sortir de ses zones de confort, d'essayer d'autres choses et d'essayer d'autres choses tout simplement. Et il y en a d'autres en fait où ah bah c'était mieux avant, ou je préférerais que tu fasses ci comme ça, et quand tu essayes ces choses là ah bah non en fait je préférerais quand c'était comme ça. Donc au bout d'un moment c'est un peu déstabilisant parce qu'on sait pas du tout en fait vers quel chemin prendre pour justement essayer de sortir de sa zone de confort de la bonne façon et évoluer de la bonne façon, parce que parfois évoluer c'est pas toujours une bonne chose, enfin ouais. Ça dépend comment est-ce qu'on évolue, mais on évolue pas forcément en bien. Patrick, toi par rapport à ça tu te positionnes comment, enfin t'essayes beaucoup de trucs différents toi sur ta ouais. chaîne, et souvent j'ai l'impression, mais peut-être je me trompe, les gens sont plutôt bienveillants vis-à-vis de ça quand même. Oui, écoute, je sais pas si c'est mon grand âge ou pas, mais j'avoue que non, c'est ta belle âme. Non, mais c'est-à-dire que l'âge, en fait, je pense l'âge ça ne change rien aux insultes. Non, ce que je veux dire c'est que si j'avais commencé plus jeune, peut-être que j'aurais été plus sensible aux critiques et que au premier commentaire négatif, je me serais dit putain, c'est foutu, c'est nul, faut que j'arrête. Aujourd'hui, j'avoue que je m'en fous un peu plus quoi. Fais-moi ce qui me semble bien, enfin je fais ce qui m'intéresse en tout cas, et si les gens aiment, c'est génial, puis s'il y a des gens qui n'aiment pas et qui trouvent que c'est nul, bah, c'est dommage, mais enfin, ça ne m'empêchera pas de faire ce qui m'intéresse. Et ouais, je pense qu'il ne faut pas faire les choses pour les autres, quoi. Il faut faire ce qui nous semble bien, ce qui nous plaît, et puis ensuite, bah, voilà, il faut prendre les réactions avec un peu de distance et de recul, parce que c'est vrai que, par exemple, par rapport à Golden Moustache, très longtemps, vous avez reçu des commentaires sur les vidéos qui disaient par exemple ouais, remettez-nous des vidéos des suricates par exemple, ou ce genre de trucs. On n'est pas obligé d'en parler. C'est pas... Non, mais attends, tu vas voir où ça va mener. Il a un point. Tu vas voir où ça va mener. Au début, c'est vrai que ça peut être décourageant. Au bout de 5-6 sketchs, quand ça ne change pas, tu dis waouh, il faudrait peut-être qu'on arrête. Et puis à force, ben, tu vois que ça finit par fonctionner. Et finalement, si tu t'étais arrêté au premier commentaire négatif, ça t'aurait empêché voilà, de t'accomplir, de te réaliser. Dans ton humour mignolesque, comme tu le fais si bien. Bah, écoute, merci. Oui. Et toi, du coup, comment tu réagis aux gens qui disent que tu es le sosie de Thibaut InShape ? Est-ce que c'est quelque chose qui te... Bah, écoute, surtout au niveau pectoral, je dirais. Exact. Là, forcément, je peux pas montrer, mais... Le flow, enfin aussi la façon de parler, qui est vraiment la même. En termes de débit, c'est fou. Non, parce qu'il faut fermer les yeux. Faut préciser qu'Adrien est vraiment fan au premier degré de Thibaut InShape. Oui, et que tu es le sosie, vraiment. Tu es le sosie de Thibaut InShape. Tu lui ressembles un peu. Tu lui ressembles. Voilà, je ne sais pas comment le prendre, mais non, merci. Mais... Bon, le prends pas, du coup, hein, t'emmerdes pas. Ouais. Slim, quand j'ai regardé le Secret des Balls, donc qui est la saison, est-ce qu'on peut dire la saison 2 du Secret des Balls ou pas vraiment, c'est la théorie des Balls, ouais. La théorie des Balls, oui, pardon. Est-ce que tu as osé un truc différent? Et j'ai vu un phénomène qui était assez intéressant, peut-être dont tu veux nous parler, c'est que il y a aussi le côté où même si ça peut rebuter des gens, parce que là tu as pris un enfin je veux dire t'as vraiment changé un peu. Enfin, on peut être un peu comment dire, secoué par le changement de la série, qui change un petit peu de ton, même si ça reste de toi. Ouais. J'ai l'impression que les gens qui n'aimaient pas, mais les gens qui l'aimaient le défendaient d'autant plus. Comment t'as réagi vis-à-vis face à des gens qui, au final, ouais, t'encouragent potentiellement à aller dans en dehors de ta zone de confort, hors de tes sentiers battus, quoi. Je suis assez d'accord avec Patrick sur le fait qu'au fond, il faut s'écouter et que c'est ça qui va te dire si t'es sur la bonne voie ou pas, parce que tu peux passer ta vie à lire des commentaires et sans jamais savoir où aller. Là, moi j'avais envie de faire un truc très différent et j'avais l'impression de pouvoir continuer l'histoire en conservant l'esprit mais en changeant un peu l'ambiance de la série. Je savais que la fin allait diviser les gens, mais ça faisait aussi partie du plaisir de dire ben, ce sera aussi une raison pour les gens de se demander pourquoi ils aiment pas éventuellement. Et puis c'est hyper intéressant d'avoir des gens qui te soutiennent, d'autres qui te soutiennent pas. Mais au bout d'un moment, si tu veux, j'arrêtais d'aller voir sur YouTube parce que à part en fait, les réactions sont très tranchées et rarement développées. Et après, ça dépend aussi beaucoup de toi. Il y a des gens qui s'en foutent, qui peuvent lire des insultes ou des c'est nul ce que tu fais, va te pendre et dire. C'est même pas... Et puis il y a des gens qui peuvent potentiellement mal le vivre. Voilà. Moi, je me situe plutôt du côté des gens qui le vivent pas très bien. Très bien. Donc je me suis dit finalement les retours, je les aurai en direct et notamment lors d'événements comme ça, on finit par rencontrer des gens, on a plus de temps pour discuter avec les gens et au-delà de j'adore ce que tu fais, on arrive toujours au moment où les gens te disent ce qu'ils ont aimé, ce qu'ils n'ont pas aimé, pourquoi ils n'ont pas aimé. Et donc, on a, je trouve, un autre rapport qui est plus intéressant. Et finalement, c'est peut-être le public aussi, parce que c'est au public de sortir de sa zone de confort. Tu vois, parce que si tu fais que les écouter, bah, ils ont ce qu'ils veulent, mais c'est pas ils seront pas surpris, donc ils finiront par te le reprocher, dans tous les cas. Donc au moins, fais plaisir à quelqu'un, à toi. Quoi. Voilà. Ah, carrément. Et François, toi, tu... Non, mais j'allais te poser limite exactement la même question, sans nous en dire trop, parce que tu as le droit de dire, je sais que tu veux pas trop en parler, mais parce que je sais pas ce que tu as le droit de dire, mais voilà, Deadland, par exemple, dans la réalisation, dans la mise en scène, c'est complètement nouveau que par rapport à ce que tu as fait auparavant. Est-ce que tu peux déjà peut-être en parler un peu pour les gens, pour qu'ils situent ? En fait, donc là, j'ai tourné déjà première sortie de ma zone de confort, donc une série pour la télévision, donc déjà un premier challenge. Mais qui a été fait déjà avec, comment dire, avec beaucoup d'aide, puisque c'est sur France 4, et France 4, on a plus ou moins déjà travaillé avec eux, avec Studio 4, donc ça s'est fait vraiment naturellement. Donc à chaque fois que je sors de ma zone de confort, j'ai toujours un pied dans ma zone de confort et un pied dans l'inconnu. Et donc là-dessus, c'était quand même rassurant. Et deuxième expérimentation, c'est que le style de la série, et d'ailleurs, je ne suis pas sûr que les gens le savent vraiment encore, c'est pas annoncé, c'est pas survendu. Merde, pardon. Trop tard, Flaubert, trop tard. C'est qu'on est sous une forme de faux documentaire, fan footage, qui est une forme que les jeunes connaissent bien et ont l'habitude de voir, les Paranormal Activity, etc. Le public plus âgé, il faut leur expliquer ce que c'est. Quand j'ai dû pitcher vraiment la série à des gens de la prod, il m'est arrivé de devoir dire... donc c'est un found footage post-apo, et on m'a dit ok, j'ai très bien, cool, j'ai deux questions, c'est quoi found footage, c'est quoi post-apo. mais au final, quand tu leur donnes les clés, tu te rends compte qu'ils savent ce que c'est, et tu te rends compte que c'est pas si aberrant, et voilà, donc ça a été un challenge technique, parce que c'est un parti pris artistique qui donne l'impression que c'est fait à l'arrache, donc en fait c'est très technique, ça demande beaucoup de répétitions, ça demande des excellents comédiens qui savent leur texte par cœur, qui peuvent faire des plans séquences de 3 minutes, etc. Donc, je suis très content de l'avoir fait, et je ne sais pas du tout comment les gens vont le percevoir, mais en tout cas, ça a été un vrai challenge technique. Et de toute façon, chaque fois qu'on fait un nouveau projet, même quand c'était les saisons du Vision Future, il y avait toujours un challenge, toujours un truc qui nous sortait de notre zone de confort. Et l'avantage qu'on a eu avec French Nerd, c'est qu'on a habitué notre public à ça. C'est-à-dire que c'est notre seule ligne directrice avec French Nerd, c'est de dire « Ok, on va faire un truc différent, vous me suivez ou pas ?» Et on n'a jamais eu un format prédéfini. Quoi. Même le Vision Future, c'est une série mutante quoi, qui a vachement évolué. Donc là-dessus, on a la chance d'être suivi par des gens qui soutiennent chaque changement qu'on fait, chaque changement de support, de médias, même sur le théâtre, en BD, en roman. Donc là-dessus, on est habitué à ce que les gens nous soutiennent de base. Quoi. Après, il y a toujours des gens qui vont dire « Ah, si c'est à la télé, je ne regarde pas » ou « Ah, il faut lire des mots, ça ne m'intéresse pas enfin, ». Voilà. Mais ce n'est pas grave, ce n'est pas ça qui va nous empêcher de continuer à nous challenger. Et enfin, pour juste conclure un peu sur cette partie de la zone de... Oui, Adrien, dis-moi. Non, j'avais une question pour toi, Flaubert. Oui. Faire un podcast devant un public, est-ce que ce serait pas une façon de sortir de... Hein, ah merde, non, c'était magnifique. Sortir de ta zone de confort. Hein. Ouais, je voulais pas. Hein, en fait, vu que c'est le thème. Ouais, yes. Je me suis dit, c'était arrête, bien vu de dire ça. Arrête. C'était. Est-ce qu'on peut faire un silence de 20 secondes après cette phrase, s'il vous plaît ? Non, je plaisante. C'était censé. Go. Ouais. Je vais t'interrompre pour faire ça. C'était cool ou pas ? C'était censé être ma conclusion, enculé. C'était ah merde. Bon, ouais. Ben on montera et on ouais, je pas montrerai, en direct. Je couperai, c'est pas grave. Non, je voulais aussi donc un peu pour terminer, Patrick, ce festival, parce qu'on est quand même invité au Frames Festival, la première édition du Frames Festival. Tu n'es pas tout seul derrière. Non, mais voilà, c'est quand même complètement fou d'organiser ça à Avignon. Parle-nous-en, s'il te plaît. Là, pour le coup, c'est une vraie près du micro, s'il te plaît. Couturier. Pardon. Ah, rien de drôle. C'est Patrick, avant que tu commences, parle bien près du micro. Oui, ouais. C'était pour ça peut-être. Là pour le coup, c'est une vraie sortie de zone de confort, puisque pour tous les gens qui sont à l'organisation de ce festival, c'était une première, donc on ne savait pas vraiment comment ça allait se passer, ce qui fait qu'on était assez stressés jusqu'à aujourd'hui, et puis finalement tout se passe super bien. Donc déjà merci à tous d'être venus. Oui, pour l'instant. On n'est pas à l'abri d'une catastrophe éventuelle, je ne sais pas. Là, pour l'instant, en tout cas, tout est parfait. Et on s'est posé beaucoup de questions. Est-ce que ça vaut le coup d'organiser un tel événement ici ? Est-ce que le monde sera présent ? Et en fait, on s'est aperçu que sur ce type de conventions et de festivals, il y en avait assez peu qui se déroulaient dans le sud de la France, et généralement à Paris, bon, là, dernièrement à Strasbourg pour la Néocast par exemple, mais il y a assez peu d'événements de ce type dans le sud, et là donc ce qui est très cool, c'est de voir que ça a drainé les gens du sud, il y a des gens de Nice, de Toulouse, de Marseille, et puis il y a aussi des gens du nord de la France qui sont venus, et donc on est ravis de ça déjà, et puis aussi on a voulu se démarquer un petit peu des événements de ce type, en se focalisant sur les gens dont on appréciait le contenu, donc vraiment en mettant l'accent sur l'humain. Ce qui nous semblait être du contenu de qualité, l'humain, la ménielade, je dirais, d'abord, dans un premier temps, et alors que, et sans vouloir taper sur la concurrence, bien évidemment. Oh là là, attends, s'il vous plaît, s'il vous plaît. Le clash fait partie de la culture hip-hop. J'ai rien dit. J'ai l'impression que ça va clasher. On voulait éviter un petit peu le côté foire aux bestiaux qu'on retrouve parfois. Non, mais avec énormément d'invités. Et donc voilà, on s'est dit, on va faire venir des gens dont on apprécie le travail, des gens qu'on aime, et ce sera un plus petit effectif. Mais au lieu de faire venir les gens en fonction du micro, je croyais que tu me faisais des signes de drogue. Je ne comprends pas trop. On s'est dit, au lieu de faire venir des gens en fonction du potentiel d'attirance qu'ils peuvent avoir sur une communauté, par exemple, on s'est dit, on va faire venir des gens dont Méniel et moi. Le travail. non, mais des gens voilà, dont on aime le travail et qu'on a envie de mettre en avant. Et puis, on s'est dit aussi qu'on allait essayer de mettre l'accent davantage sur les activités, sur les conférences, sur ce genre de trucs que moi, personnellement, je n'ai jamais vu dans un événement de ce type. Et voilà, donc j'espère que, en tout cas, ça plaira aux gens qui sont venus y assister. Nous, en tout cas, on est très contents de la manière dont ça se déroule. Tu carbures à l'amour, j'ai l'impression. C'est beaucoup d'amour. Non, je veux dire, Patrick, si c'était une voiture, par exemple. Pardon ? Si c'était une voiture, par exemple, et qu'il fallait te faire avancer par, je sais pas, Adrien... De l'amour. Ouais, comme carburant, ouais. On utiliserait quoi ? Tu mettrais quoi dans le réservoir, quoi ? Ouais, au final. Principalement l'amour. Ah ouais, l'amour. Donc pas de sans-plomb, quoi. Vraiment, aucun sans-plomb. Juste de l'amour. Peut-être un petit peu de diesel, éventuellement, mais c'est... Voilà. En tout cas, merci beaucoup, Patrick, et pour te remercier... d'organiser un tel festival, de nous accueillir, de faire ce premier Floodcast en live. Je te propose un jeu. Oui. Un jeu voilà, qui a été créé, et je vous le propose à vous tous. Ça s'appelle le jeu du Jean-Marie Bigard. Alors, c'est un jeu assez particulier. Bon, je vous propose à la limite déjà de mettre le générique. Oui. Et, juste vous... Ouais. Je veux juste, avant que tu mettes le générique, dire que voilà, on est dans un lieu sacré. Ouais. Gardez ça en tête avant de l'entendre. Nous sommes actuellement au Palais des Papes. C'est toujours bon de le garder en tête. Vite, branlette ! Partout dans le cul. En plein dans la chatte, là. Merci Patrick. Est-ce qu'on peut préciser que ces mots n'ont jamais été prononcés dans cette salle ? C'est la première fois. Depuis le 15e siècle, je pense que ça n'est jamais arrivé. On vit actuellement un moment historique, potentiellement. Bah ouais, on fait l'histoire. Là. C'est possible. Ouais. Quel est le jeu ? Ouais, vas-y. Branlette peut-être. Branlette. Vraiment le seul. Le jeu du Jean-Marie Bigard est très simple. On va le faire très vite parce qu'il faut ensuite libérer la salle. On écoute un début de blague et il faut deviner la chute. Alors, il s'agit de blagues de Jean-Marie Bigard, donc elles sont très Jean-Marie Bigard. Donc, on va écouter la première. Donc, on écoute la première et il faut deviner la chute. Alors, c'est le mec qui bouffe le cul d'une pute à 10 euros et il voit des trucs qui sautent dans les poils. Il lui dit, dis donc, ce serait pas des morpions, ça ? Et la pute, elle dit, bah... Alors, je la connais. Ouais, que peut bien dire la pute dans cette histoire de Jean-Marie. Tu la connais peut-être, Adrien ? Alors, attendons, demandons peut-être aux autres si tu la connais. Je connais un truc qui ressemble, je ne sais pas si c'est ça, mais je vais attendre. On va demander aux autres. Alors, est-ce que quelqu'un a une idée autour de la table ? J'aurais dit non, c'est un millionnaire, mais c'est vraiment très... Non, ouais, pas mal. C'est pas un morpion, c'est un millionnaire. Ah oui, mais je ne l'avais pas. Oui. Pas mal. La réponse n'est pas un livre d'Émile Zola, je préfère vous le dire. Personne ne l'a, Adrien, donc tu l'as peut-être ? Attendez, dans le public, est-ce que quelqu'un l'a dans le public potentiellement ? Levez la main. Alors, Marion. Marion est dans le public. Marion a trouvé la réponse à cette question. Marion, est-ce que tu peux nous dire ? Malheureusement, je m'en souviens. Il lui dit, à ce prix-là, t'espérais pas des gambas. Ah. Et la pute, elle dit, bam. Eh bien, nous écoutons immédiatement la réponse. Et la pute, elle dit, bah, pour 10 euros, tu voulais pas des gambas, quand même. Bravo Marion, tu gagnes 2 places pour Jean-Marie Bigard. Non, malheureusement, j'adorerais te les offrir, mais vraiment, je ne les ai pas. On s'écoute une 2e question. N'hésitez pas à participer autour de la table, hein, n'hésitez pas. Ouais, non, mais... Ou mourir de honte, vous choisissez l'un ou l'autre, hein, vraiment, n'hésitez pas. On s'écoute la prochaine question. C'est pourquoi les hippopotames ils font l'amour dans l'eau ? Alors, on la réécoute. Non, elle est un peu exotique. On la réécoute. Ah, je la connais. C'est pourquoi les hippopotames ils font l'amour dans l'eau ? Je la connais aussi. Alors, est-ce que... Alors, autour de la table, personne ne l'a ? Non, les passionnés... Marion, peut-être. Marion. Aucun passionné de nature qui pourrait trouver la réponse. Pourquoi, je le répète, au cas où, les hippopotames font l'amour dans l'eau ? Cette émission est vraiment devenue une grosse tête, je m'en rends compte actuellement. Personne n'a la réponse dans le public. Ah, ah. Bah, vas-y, viens. Comment tu t'appelles ? Thomas. Vas-y, viens donner la réponse. Prends ton temps, Thomas, je t'en prie. Alors, je me rappelle plus du poids exact. On va remplacer par X, d'accord ? Parce que c'est très difficile de faire mouiller une chatte de X kilos. Alors... T'es dégueulasse, sérieux. Putain, c'est pas du tout ça, la réponse. Bravo. Je crois que c'est ça. J'avais une réponse dans le... La réponse était non, le pH de la Terre, en fait. Voilà. C'est ça, on écoute la réponse. C'est pourquoi les hippopotames, ils font l'amour dans l'eau ? Bah, t'essaieras de mouiller une chatte de 200 kilos, toi. Oui. Parce que c'est de l'humour, mais on apprend des trucs. Non, mais c'est vrai. Il n'y a pas que Axolot, tu vois, on apprend des trucs aussi. Alors, on s'en fait une toute dernière. La chatte de l'hippopotame peut atteindre. Non, Adrien, je pense pour les auditeurs, au cas où, il faut savoir que c'est toi, hein, qui viens de faire la voix. Oui, c'était pas Patrick, c'était moi, Adrien. On s'écoute une dernière, et je suis très surpris que Patrick Beau ne participe pas alors qu'il les connaît toutes. Je suis fan, donc c'est pas du jeu, quoi. Bah, tu es auteur pour Jean-Marie Bigard, je crois. Je suis co-auteur. Moi, j'étais sur la partie hippopotame. voilà. Alors, on s'en écoute une dernière. Là, c'est la mamie qui dit à son petit garçon, tu vas aider mamie à mettre le suppositoire. Hein. Mamie, elle se met à 4 pattes. Elle se met à 4 pattes, elle descend tout le bazar et tout, et le petit, il arrive derrière, et il dit... Alors... Que peut bien dire Jean-Marie à cette grand-mère qui, je le rappelle, se trouve à 4 pattes devant lui ? Alors, on peut peut-être souligner, je sais qu'il y a des auteurs autour de la table, c'est la suspension de crédibilité, personne ne fait vraiment ça, à la limite d'avoir sa grand-mère à 4 pattes devant lui. François, toi qui écris des textes qui présentent, je crois, Deadland à La Rochelle, est-ce que tu peux donner ton expertise sur cette scène de base ? Je pense que ça dépend comment c'est joué, en fait. Il y a des gens qui peuvent le vendre quand même. j'ai une question. Ouais. Est-ce que il compare l'appareil génital de sa grand-mère, ouais, à un animal ? Non, ce n'est pas le cas. Non. Ah, alors attends. Ah, Marion est pas d'accord. Alors attention. Non mais Marion, t'as le DVD potentiellement. Non Marion, t'avais quoi comme réponse ? Bah, moi j'avais ça. Je pensais à un truc avec un dindon. Mais il y a pas de. Avec un dindon ? Oui. Je vois pas le rapport, Adrien. Ah, mais mon pote. Merde, je crois que je... J'ai jamais mis un suppositoire à ta grand-mère. Potentiellement, en fait. Y a un dindon. Est-ce que c'est pas un truc du style « Écoute, mamie, il faut qu'on parle. » Le médecin est clairement un crack. Les doliprane, les suppositoires n'ont pas la bonne posologie par rapport à la condition. Je crois que t'as un tout petit peu surestimé Jean-Marie là-dessus, sur cette... que j'aime, hein, mais là, je pense que c'est pas... Non, on va écouter est-ce la qu'il réponse. Dit « Merci d'avoir mis au monde ma mère, qui est la personne que j'aime le plus au monde. » Et j'y pense en voyant ta chatte. Ça, le... Non, clairement, on est plus près du dindon. On écoute la réponse. Elle se met à 4 pattes, elle descend tout le bazar et tout, et le petit, il arrive derrière, et il dit « Mamie, Je le mets dans le trou noir ou je le donne au dindon ?» Oh ! Alors ? Malon ! Bravo ! Attends, j'ai pas compris le début. Je mets dans le ? Dans le trou noir ou je le donne au dindon. C'est nul. C'est pas fou. Alors là, je suis déçu. Et pourtant, déçu de Bigard. Parce que les 2 premières, tu les avais trouvées top. Elles et celle-ci, top. Ouais. Elle est droite au but, ouais. C'était vraiment cool. En tout cas, Manon, Marion, excuse-moi. Marion, tu as gagné le droit d'écrire un sketch Golden Moustache. Voilà. Donc tu nous envoies le scénario, parce que là c'est deux chutes de ouf. Tu nous envoies, on la fera jouer par Adrien, qui jouera et la grand-mère et le petit enfant. Voilà. Et le suppositoire. Dindon. Ouais. Non, mais il est à la fois sur la cosmologie et sur les animaux, qui sont deux thèmes complètement différents. Je trouve que c'est un peu. On apprend en s'amusant. On apprend. Ouais, non, je suis pas top. Bon, en tout cas, ça va être la fin de cette émission. On va faire juste un dernier tour de table sur vos prochaines actus. François Descraques, quelles sont les prochaines choses que tu nous montres par-delà les montagnes ? Coupe-moi, cette phrase est trop longue, vraiment, oui. Il faut que tu me coupes. Coupez. Ouais, merci beaucoup. Je sors un truc qui s'appelle Deadland, c'est une série de télé, mais qui sera accompagnée d'une web-série qui s'appelle Dead Floor, dans laquelle il y a certaines personnes ici présentes. Voilà, je peux pas en dire plus. Qui ? Adrien, qui joue tous les rôles, apparemment. Non, je joue pas dedans. Charlie, est-ce que tu peux nous dire ce qui va arriver sur ta chaîne ou ailleurs, d'ailleurs, potentiellement ? Alors, prochainement, déjà, je vais dormir. Très bien. Et ensuite, après, je continue les revues du monde et les théories du monde. Il y aura un format de hors-série qui va sortir sur le terrain, en fait. On ira découvrir des trucs sur le terrain, ce sera chouette. Et potentiellement, un projet d'écriture qui arrive également. Ah, bah, j'en mets. Patrick, toi, quoi, toi, qui arrive ? Alors, il y a deux bouquins qui arrivent au mois de novembre. Donc, il y a le volume 3 d'Axolot, de la BD d'Axolot, qui sort au début du mois de novembre. Et il y a un livre qui s'appelle Terre secrète, donc, qui est consacré aux merveilles naturelles les plus incroyables que j'ai pu découvrir à travers mes recherches, et dont je vais parler demain. D'ailleurs, ce sera le sujet de ma conférence. Ah, c'est pas sur Bigard, la conférence de demain ? Pardon, c'est ? Je croyais que c'était sur Bigard, ta conférence demain. Voilà, mais comme on l'a fait là, je me suis dit que j'allais faire autre chose. Des merveilles que tu as découvert dans ta vie, Bigard. Donc ça colle. On parlera d'un don suppositoire, trou noir, tout ça. Donc voilà, qui sort au mois de novembre. Et sinon, oui, il y a une série actuellement de vidéos qu'on a faites avec le CNES sur les phénomènes aérospatiaux, donc les trucs bizarres qui se passent dans le ciel. Donc là, le quatrième épisode est sorti. Donc j'avais posté ça sur les réseaux sociaux, ça s'appelle Juste Ciel. Et puis, juste, dernier truc. Non, mais vas-y, t'inquiète. La semaine prochaine, il y a. Ah, tiens, en plus, c'est cool parce que tu vas participer au projet. Donc la semaine prochaine, il y a une. Au courant, par vidéo. si. Non, mais il va comprendre très vite. Donc il y a une vidéo qu'on a tournée à La Réunion il y a un an déjà. Donc, en fait, c'est une sorte de mini étrange escale sur l'île de La Réunion. En fait, c'est une série de vidéos. Et Slim avait participé. C'est même la première vidéo qui est sortie. Il y en a une par semaine depuis à peu près, je sais pas, un mois. Et donc, moi, je passe en dernier, du coup, la semaine prochaine. Et c'est vraiment des très belles vidéos. On a eu une équipe géniale là-dessus. Et donc, voilà, ça sort la semaine prochaine. Très bien. Slim, toi, il y a quoi qui va arriver je crois que tu as joué, justement, tu as joué ici, toi, il n'y a pas si longtemps. Oui, hein, j'ai joué l'année dernière, pas cette année. Bah, oui, bah, après, je suis un très mauvais animateur, tu sais. Moi, c'est pas grave. Le joue à l'impro hein, depuis le début. Donc, non, moi, à venir, c'est comme ça m'a bien plu d'écrire un livre, c'est un autre livre. Et pour m'éloigner un peu de ma zone de confort, c'est pas dans l'univers du Visiteur du Futur. Ah, donc, cool. C'est premier roman, on va dire, 100% original. Et tu, ouais, t'as pas trop. Non, c'est un peu tôt pour en parler, pas de date, rien. Je voulais te donner une deadline, c'est pour ça. Tu veux me donner une deadline ? Juillet. Ah, cool. Adrien, à part un album de hip-hop. Exact. Une mixtape. non, moi, je fais une tournée dans tous les opéras de France où je lis les textes de Jean-Marie Bigard. Et c'est mis en scène par Marion. Sinon, le 20 septembre, Golden Moustache, on fait une deuxième émission de sketch sur W9. Le 20 septembre, j'ai dit ouais, 20 septembre sur W9 à 20h50. Voilà, de nouveaux sketchs. On en a diffusé 4 inédits ce matin et il y en aura d'autres. Une petite apparition dans le long métrage du Palmacho qui sort en novembre. Une petite apparition dans Hérocorp. Et puis. Oui. Oui, ça correspond à la durée que je serai à l'image. voilà, et puis bah voilà, des sketchs, des projets perso, un peu rejet de BD que j'aimerais bien faire ressortir des cartons aussi. Voilà, plein de trucs comme à l'accoutumée. Hein, Thomas, et toi ? Moi, je suis en train de faire un jeu vidéo en ce moment qui s'appelle Switch. Et c'est un jeu vidéo qui est communautaire. Donc je vais refaire une vidéo pour vous expliquer ça. Mais si globalement vous avez des dessins, des musiques qui traînent dans vos fonds de tiroir, faites passer. Je suis un peu la poubelle du peuple. Est-ce que tu payes ? Quoi ? Tu payes ou pas les gens ? En bisous. Oh. Et ça vaut tout l'or du monde. Exact. Sinon, du coup, j'ai quelques podcasts à la bourre qu'il faut que je sorte. J'ai quelques idées et envies de vidéos 360. J'en ai fait une. Maintenant, je mets le son en 360 quand tu mets un casque. Il s'en fout. Si, je t'écoute, oh, ça va. Quand tu mets, en fait, maintenant, quand tu mets un casque et que tu tournes la vidéo, le son, il tourne avec toi. Wow. Et j'ai testé ça avec une vidéo de chaton. C'est ouf. Non, mais je savais pas que c'était possible. Eh ben, c'est possible, mec. Et je vais... Tout le monde savait, apparemment. Tout le monde connaissait. Vous connaissiez peut-être, c'est ça vous... Adrien, calme-toi. Voilà. Calme-toi. Ou parle dans le micro, mais fais donc, un truc. Donc, c'est pas de micro. À partir de la semaine prochaine aussi, je vais sortir un bouquin sur Internet. Gratos, au rythme d'un chapitre par semaine. C'est un truc que je vais dans mes caves depuis très longtemps et il est temps que ça sorte, comme disait mon proctologue. C'était Bigard, ouais, c'était Bigard. Et il me semble. Et donc, non, il me semble que Marion l'avait. C'est mon relais. Et donc lundi, il va falloir que je commence parce que ça fait longtemps. Il va falloir que je commence à préparer la prochaine nuit originale. Oh. Voilà. Eh ben écoutez, merci à tous. C'est la fin de cette émission. Merci à tous d'être venus. Merci à tous les invités d'être venus, d'avoir osé faire ça parce que c'est vraiment flippant, en vrai. Et c'était la première fois qu'on faisait ce podcast et ils m'ont fait confiance et c'est très gentil. J'espère que ça s'est bien passé. Ils me le diront. Tu veux dire qu'on est sorti de notre zone Tu es sorti de ta zone de confort, main dans la main avec Jean-Marie Bigard. Exact. Est-ce que ce serait pas sous un toit où il y a eu énormément de papes. Donc c'est quand même vraiment pas mal. Énormément de papes. Voilà, merci encore au Frames Festival, merci à Toulouse, merci à vous d'être venus, d'avoir attendu. Merci à tous. Merci à tous et je vous propose de vous laisser avec tout simplement le nouveau générique de l'émission. Oui, oui. Vite, branlette. Partout dans le cul. En plein dans la chatte, là.